L'autre jour, m'y promenant, tout au long du ruisseau charmant, j'ai rencontré d'une belle qui dormait profondément. Je m'approche et je lui prends son zim-zim demi-tour à gauche. Je m'approche, je lui prends son joli panier d'argent, son joli panier d'argent. Aussitôt la belle se réveille, me dit mon bon monsieur, que faites-vous là? Vous me le prenez bien hardiment, mon zim-zim demi-tour à gauche, vous me le prenez bien hardiment, mon joli panier d'argent, mon joli panier d'argent. Tais-toi donc, petite sotte, je suis un riche marchand. Quand j'achète une marchandise, je la paye argent comptant. Je compte donc bien te le payer, ton zim-zim demi-tour à gauche. Je compte donc bien te le payer, ton joli panier doré, ton joli panier doré. Mon panier n'est pas à vendre, ni à vendre, ni à donner. C'est un gage que ma mère m'a donné il y a fort longtemps. Elle me l'a toujours recommandé, mon zim-zim demi-tour à gauche. Elle me l'a toujours recommandé, mon joli panier doré, mon joli panier doré. Ta mère était une vieille de 100 ans. Quand elle était à ton âge, elle en faisait bien autant. Elle ne l'a pas toujours gardé, son zim-zim demi-tour à gauche. Elle ne l'a pas toujours gardé, son joli panier doré, son joli panier doré. Si ma mère l'a pas gardé, je dois donc l'abandonner. Si ma mère l'a pas gardé, je dois donc l'abandonner. Je vais donc l'abandonner, mon zim-zim demi-tour à gauche. Je vais donc l'abandonner, mon joli panier doré, mon joli panier doré.